بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، فلا زال الحديث متواصلا مع التوحيد. C'est notre troisième rencontre autour du monothéisme. فبعض الناس عندما يسأل كيف عرفت ربك يجيب أنه عرفه بالعقل، وهل ربنا يعرف إلا بالعقل؟ يقول أهل العلم الله عز وجل هو الذي أعطنا العقل وهبنا إياه، فكيف نقول أننا ما عرفنا الله عز وجل إلا بالعقل؟ والإجابة الصحيحة أننا عرفنا الله بهداية الله لنا، هذا هو الصواب الذي يجب أن يجيب به المسلم إذا سئل كيف عرفت ربك. وأن الله عز وجل certaines personnes quand la question leur est posée comment vous avez connu Allah, il te dit je l'ai connu avec ma raison. Et Allah ne se connaît qu'avec la raison, et c'est la raison qui nous fait connaître Allah. Les hommes de science disent c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a doté de la raison, qui nous a donné la raison. Hein? Comment on peut dire que nous avons connu Allah subhanahu wa ta'ala par la raison, alors que la réponse authentique c'est que Azza wa Jal huwa alladhi hadana li ma'rifatihi fa hadha al-jamad wa hadha al-amud amamak wal ha'it amamak ya'rifu Allah Azza wa Jal. نعم، الجمادات تعرف الله عز وجل ولا عقل لها كما يعلم الجميع. إذا لو كنت جمادا بدون عقل لعرفت الله عز وجل. يقول عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ويقول كل قد علم صلاته وتسبيحه، ويقول عز وجل ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، وفي آية ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، من للعاقل وما لغير العاقل، فالكل يسجد لله سبحانه وتعالى. ويقول عز وجل أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. أن الله عز وجل الله سبحانه وتعالى c'est lui qui guide vers le fait de le connaître, et c'est lui qui nous a guidés pour le connaître. Donc si tu réfléchis un petit peu, si t'animé qui est le mur en face de toi et le pilier sur lequel est basée cette maison, hein, et tout ce qui est inanimé connaît Allah عز وجل alors qu'ils n'ont pas de raison. C'est inanimé, c'est un bloc de pierre, c'est une montagne, c'est un pilier, ils connaissent Allah Azza wa Jal. Ils n'ont pas de raison. Donc ça veut dire que si tu étais inanimé, un sujet, quelque chose, tu aurais connu Allah Azza wa Jal sans la raison. Et il dit dans le verset, toute chose glorifie Allah, toute chose glorifie Allah Azza wa Jal. Toute chose fait les louanges à Allah. Et il est dit dans le verset, et Allah se prosterne aux cieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala se prosterne ce qu'il y a aux cieux et ce qu'il y a sur terre. Dans un autre verset, et Allah subhanahu wa ta'ala se prosterne ceux qui sont aux cieux sur terre, qu'ils le veuillent ou par force. Et leur ombre aussi se prosterne pour Allah. Matin et soir. L'ombre, c'est quelque chose d'inanimé. Ils se prosternent pour Allah, Azza wa Jal. Et dans le verset, il y a un verset qui, dans lequel il y a « men ». « Men », c'est pour désigner celui qui a une raison. Et « ma », c'est pour qui, celui qui a les choses. Ce qui n'a pas de raison. L'inanimé, « jamad hein? ». Et tous, que ce soit l'inanimé ou celui qui est doué de raison, tous se prosternent pour Allah. Et les versets sont là pour l'attester et pour le prouver. Il est dit dans un autre verset, n'ont-ils pas vu ce qu'a créé Allah subhanahu wa ta'ala, toute chose qu'a créé Allah subhanahu wa ta'ala, son ombre se prosterne pour Allah subhanahu wa ta'ala. À droite et à gauche. Fahadi al-ashjar akha al-islam. تسجد لربها في صورة الظل فهذا الظل الذي يتحرك عن اليمين وعن الشمال ومن المغرب إلى المشرق هذا الظل تحركه سجود لله سبحانه وتعالى الله عز وجل سخت les arbres se prosternent pour Allah subhanahu wa ta'ala dans la forme de l'ombre qu'il donne et ce mouvement qu'a l'ombre de l'homme, ou là des arbres, ou là de toutes choses, ou là des murs, etc. C'est une prosternation pour Allah subhanahu wa ta'ala. Toute ombre que tu vois, c'est la prosternation de cette chose. Donc là, l'ombre, qui est quelque chose d'inanimé, c'est une forme de prosternation. فَالْجَمَادَاتْ تَسْجُدُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالْأَشْجَارُ تَسْجُدُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَكَيْفَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ عرفت ربي بالعقل كما يقول بعضهم الرب عرفناه بالعقل ولكن الأصح أننا لم نعرف العقل إلا بالله عز وجل قال دينون المصري رحمه الله لما سئل كيف عرفت ربك فقال عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي شوسي زينانيمي سبرستان pour الله. Les arbres se prosternent pour Allah. Comment maintenant ici, un musulman, de dire que j'ai connu Allah par la raison? Mais la parole qui est correcte, qui est authentique, c'est qu'on dise que nous avons connu la raison par Allah. Et sans Allah, nous n'aurions pas eu cette raison et nous n'aurions pas pu connaître cette raison. Dinul Misri Rahimallah. Quand tu lui as posé la question, comment tu as connu ton sevrain, il a dit, j'ai connu mon sevrain par mon sevrain. Et sans mon sevrain, je n'aurais pas pu connaître mon sevrain. Comment tu as connu Allah? J'ai connu Allah par Allah et sans Allah, je n'aurais pas pu connaître Allah. فهذه من الأخطاء الشائعة بين الناس خاصة المتفلسفة والمتقفين منهم. Ça fait partie des erreurs qui sont monnaie courante entre les gens, et surtout dans le milieu des intellectuels, et ceux qui sont atteints par l'impureté de la philosophie et de la logique. Et les hommes de science ne diminuent pas la valeur de la raison. Mais la raison, ils la mettent à leur place, à sa place qui lui est due. Hein? Et ils soumettent leur raison à la législation, et ils ne soumettent pas la législation à leur raison. فَأَلُ الْعِلْمِ يُنَبِّهُونَ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مَعْنَاهَ لَا خَالِقَ إِلَّا اللَّهِ بِأَنَّ هَذَا خَطَأٌ عَظِيمٌ وَجَسِيمٌ وهذا التعريف لا يزيد عن توحيد الربوبية الذي كان يعرفه أبو جهل وأبو لهب أما الذي دعت إليه رسل الله وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم جميعا فإنما هو توحيد الألوهية لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ولم يدعهم إلى قوله لا رب إلا الله، إنما قالت الرسل لأقوامهم لا إله إلا الله بمعنى لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ورسولنا قال لقومه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. Et les hommes de science attirent l'attention sur le fait que ceux qui disent La ilaha illallah, sa signification, c'est que ne donne la subsistance au nom de la vie qu'Allah Azza wa Jal. Ceci est une énorme erreur. Et cette définition, ce n'est que le monothéisme de la souveraineté que Abu Jahl et Abu Lahab connaissaient. Quant au monothéisme vers lequel ont appelé les messagers leur peuple, alayhi salatu wa salam, c'est, et à leur tête Muhammad alayhi salatu wa salam, c'est le monothéisme de l'adoration. Ni digne d'être adoré qu'Allah. Jamais un prophète n'a appelé son peuple à reconnaître qu'il n'est de souverain qu'Allah. Mais ils tous ont appelé vers le fait qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah. Et tous les prophètes ont dit à leur peuple, adorez Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré que lui. Et notre prophète alayhi salatu wa salam a commencé avec son peuple, dites la ilaha illallah, vous allez réussir. والعلماء بعد التتبع والاستقراء للنصوص من الكتاب والسنة قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد في الربوبية، وتوحيد في الأسماء والصفات، وتوحيد في الألوهية. Et les hommes de science, après la lecture du livre d'Allah Azza wa Jal et la lecture de la Sunna du Prophète عليه الصلاة والسلام, ont divisé le monothéisme en trois. Pourquoi cette division? Les compagnons ne la connaissaient pas. Mais pour que les pauvres communs comme moi et toi, on puisse comprendre. Hein, et ils puissent nous rapprocher tout simplement la science du livre et la science de la sunna de Muhammad alayhi sallatu salam. Wa alaykum salam. Sinon, les compagnons n'avaient pas besoin de ces divisions. Ils comprenaient directement la langue par laquelle était révélé le Coran était la leur. Et ils avaient le messager devant eux quand ils avaient un problème. Et le problème s'estompait vite fait avec la question du prophète alayhi salatu salam, et le problème il est réglé. Et donc après la lecture du livre d'Allah et la lecture de la sunna de Muhammad alayhi salatu salam, les hommes de science ont sorti trois monothéismes. Au départ ils étaient deux monothéismes. Ils ont divisé un en deux et ça a fait trois. Au départ, deux monothéismes, le monothéisme scientifique, c'est-à-dire les annonces, dire dans lequel on va se retrouver avec les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce que ne fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le monothéisme, al-tawhid talabi ou al-qasdi, qui est ce qui nous est demandé. Adorer Allah azza wa jal, donc on est dans deux. Ce premier qui est le monothéisme de l'annonce et de la science, va être divisé en deux. Et il fera le monothéisme des noms et des attributs d'Allah, et le monothéisme de la souveraineté. Hein? Et donc maintenant on se retrouve avec trois monothéismes. Le monothéisme de la souveraineté, le monothéisme des noms et des attributs, et le monothéisme de l'adoration. Hein? Certains vont rajouter un quatrième, qui sera non avenant et rejeté, qui est le monothéisme de l'hakimiyya, tawhid l'hakimiyya. Dire par là qu'il n'y a de juge qu'Allah, que le jugement appartient à Allah Azza wa Jal. Seulement, ce monothéisme est non avenant parce qu'il fait partie des droits et des choses qui vont compléter le monothéisme de l'adoration. Il est englobé dedans dans le monothéisme de l'adoration. C'est pour ça que les hommes de science le plaquent contre le mur et ne l'acceptent pas. Par contre, il y a un autre monothéisme, le quatrième, et celui-là, certains l'appellent le monothéisme du suivi. Et celui-là, il a ses preuves dans le Coran. Et t'étonne pas que tu te retrouves, que ce soit dans le livre d'Yal Cheikh Mohamed Al-Sabi, rahimahullah, du Yémen, avec ce quatrième monothéisme, cette quatrième forme, qui est le monothéisme du suivi, c'est-à-dire que tu ne suives que Mohamed alayhi salatu salam, sa preuve, il est dans Ihdina Sirat al-Mustaqim. Sirat al-Ladina an'amta alayhim. Sa preuve, il est dans le fait, guide-nous sur la voie droite, sur la voie de ce que tu as comblé de tes bienfaits. Et ce livre, qui est le Qawl al-Mufid fi Adillat al-Tawhid, s'il n'y avait pas les activistes et les hizbis et les adeptes de groupe, ces livres ont été édités avec l'argent personnel du Cheikh Ibn Baz rahmatullah alayh, et ils seraient distribués en grand nombre pendant un pèlerinage. Mais hadouk les hizbi font toujours la guerre à la sunna et aux savants de la sunna, donc ils ont laissé le projet de côté et il y a eu la mort après du Cheikh Ibn Baz rahmatullah alayh. You know, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il ne voit pas le fait de parler d'un quatrième monothéisme qui est le suivi. Mais Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il voit d'un fait de fermer la porte à toutes formes, pour ne pas que ceux qui veulent immiscer le monothéisme d'Al-Hakimiyya ne prennent pas cette voie-là pour dire « Vous avez accepté le suivi, donc on fait l'Hakimiyya aussi. » Mais seulement l'Hakimiyya, ses preuves, la preuve d'Al-Hakimiyya, c'est qu'il est, il fait partie tout simplement des droits de la ilaha illallah et des choses qui complètent la ilaha illallah. Donc ne t'étonne pas, ne sois pas perturbé quand tu vois que Cheikh Ibn Baz approuve la division du monothéisme en quatre, avec le monothéisme à la fin, le monothéisme du suivi, et que d'un côté, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, Cheikh Al-Fawzan, c'est pour fermer la porte à tout innovateur. Hein? Et il dit, hafidhahullah ta'ala, que le suivi, il est dans l'adoration. Il n'y a pas de problème. Sa parole est authentique. Hein? Il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a aucune ambiguïté entre ce que lui, il dit, et ce que et la voie sur laquelle était Ibn Baz, rahmatullah alayh. Loin de là. Hein? Et si ceux qui prennent le monothéisme du suivi en quatrième, c'est encore que plus qu'il y ait plus de détails pour le commun comme nous, qui avons besoin de détails, etc. Si tu prenais Allah, subhanahu wa ta'ala, il a dit, au moment où il a révélé le Coran au messager, alayhi salatu salam, qu'il l'a transmis à ses nobles compagnons, « Laysa ka mithlihi shay wa huwa as-sami' al-basir », ils ont tout de suite compris. Rien ne lui ressemble, et c'est lui, et il voit, il entend, ils n'ont pas cherché comment il voit, comment il entend, pourquoi il voit, si c'est un Dieu, pourquoi il voit, etc. Ils n'ont rien cherché. Ça, c'était une phrase, et l'affaire est réglée pour eux. Ils entendent du prophète, alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala descend au troisième tiers de la nuit, au dernier tiers de la nuit. Ouais, il descend, comme il sied à sa grandeur. Rien ne lui ressemble, et il est celui qui entend et celui qui voit. Ils n'ont pas cherché pourquoi il descend, mais s'il descend, il va-t-elle être en descente? Le tiers de la nuit aux États-Unis n'est pas le même, au Maroc, il n'est pas le même, en Asie, etc. Tout cette perturbation de l'esprit, il ne l'avait pas. Et ceux qui les ont suivis d'eux-mêmes, les trois meilleures générations de l'islam, et après ont commencé les perturbations, le pourquoi, le comment, avec la traduction des livres de la philosophie gréco-latine. Et là vont commencer à rentrer les problèmes. Le pourquoi, le comment, etc. Si on lui reconnaît des attributs, ça veut dire que c'est un corps, et si c'est un corps, ça ressemble aux êtres humains, etc. Pourquoi vous vous occupez de ce qui ne vous regarde pas? Pourquoi vous ne faites pas comme les compagnons de Mohammed alayhi salatu salam? Rien ne lui ressemble, il est celui qui entend et celui qui voit. Hein? Fa tawhid ar-rububiyya hadha kana al-mushrikun yuqirrun bih wa tawhid al-uluhiyya hadha huwa alladhi da'at ilayhi ar-rusul wa nazalat min ajli al-kutub an i'budu Allaha ma lakum min ilahin ghayru. Donc la souveraineté au niveau, le monothéisme de la souveraineté, celui-ci le monothéisme de la souveraineté, celui-ci, tous les associateurs le reconnaissaient. Il n'y avait pas de problème. Mais le monothéisme de l'adoration, c'est vers ça que les prophètes ont appelé leur peuple. Adorez Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré que lui. Et c'est sur ce point-là qu'il y a eu les litiges et les problèmes entre les prophètes et leur peuple. فهذا الرب الذي أقررتم به وأقررتم بربوبيته وعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا ولذلك كان يقال لهم أمن يخلق كمن لا يخلق كان المشرك يخاطب بهذا الخبر أنت مقر بأن الله خلق ففكر الذي يخلق كالذي لا يخلق هل أنت تسوي بين خالق ومخلوق خوطب المشركون بهذا مرارا وتراه في كتاب الله عز وجل. Donc, ce souverain auquel vous confirmez la souveraineté, adorez-le, ne lui faites pas d'associé. C'est ce qui a été dit aux associateurs dans lesquels les messagers ont été envoyés. Et il leur a été posé la question, est-ce que celui qui crée est comme celui qui ne crie pas? Est-ce que le créateur est comme la créature? Ainsi, le message qui était adressé aux associateurs. Tu confirmes et tu approuves qu'Allah a créé toutes choses. Bah, réfléchis. Celui qui crie, le créateur, est-ce que tu lui mets à pied d'égalité avec sa créature? Enfin, c'est ainsi Allah subhanahu wa ta'ala dans le maintes versets s'adresse à eux, il leur rappelle sa souveraineté. Pourquoi? Pas pour le rappel de la souveraineté et puis point, pour qu'il l'adore. Voilà, in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah qul fa'anna tusrafun. Si tu leur poses la question, qui a créé les cieux et la terre, ils te répondent, c'est Allah. Il dit, pourquoi vous vous détournez de son adoration? Pourquoi vous ne l'adorez pas? Il leur rappelle la souveraineté d'Allah pour après, à la fin, attirer leur attention et leur ordonner le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawhid al-asma'i wa sifat hadha muhimmun jiddan. Wa la yasilu ilayh illa alladhina arafu tawhid al-rububiyya. وتوحيد الألوهية فلا يعرف الله حق المعرفة إلا الموحد بصنفي التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فإن توحيد الأسماء والصفات ثمرة معرفة الرب والإقرار له بالألوهية وهو أنك تصف الله سبحانه وتعالى بما يستحق من صفات الجلال والكمال كنت منوتي اسم دينو ديز أتريبيو. Ce monothéisme est très important. N'arrive au fait de parfaire ce monothéisme des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala que celui qui a maîtrisé le monothéisme de la souveraineté et le monothéisme de l'adoration. Car le monothéisme des noms et des attributs, c'est le fruit de ces deux monothéismes. C'est le fruit d'avoir connu Allah azza wa jal et d'avoir confirmé comme quoi il est le seul digne d'être adoré. Et après, il arrive, ce souverain que tu as connu comme il se doit, et que tu as adoré, c'est quoi ses attributs? Tu dois lui attribuer les attributs qu'il s'est donné lui-même. Et ses attributs doivent être, sont comme il s'y est à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا الرب الذي عرفناه وعبدناه ووحدناه ولم نشرك به شيئا ما صفاته أي ما هي صفاته لا نبحث عن كيف هي صفاته ففرق بين ما هي الصفة ما هي صفات الله وبين كيفية صفات الله سبحانه وتعالى كيفية الصفات هذا اقطع طمع أن تفهمه ولا أن تعرفه هذا ابعده عنك هذا من باب وسوسة الشيطان لا تتدخل فيه ما هي أسماء الله من هو هذا الرب وما الصفات الذي يتصف بها هذا الرب الذي أفردناه بالعبادة ما هي الصفات التي يتصف بها donc ce souverain que nous avons connu et que à qui nous réservons le culte exclusivement et auquel nous faisons aucun associé dans nos actes d'adoration. C'est quoi ces attributs? Donc, tu cherches tout simplement quels sont les attributs qu'il s'est attribué lui-même. Tu ne cherches pas le comment des attributs. Le comment des attributs, qu'il ne te vient pas à l'esprit de te poser la question comment est le comment des attributs d'Allah. Tu ne peux pas le capter. Et c'est une question innovation. Tu ne dois pas tomber dans le fait comment sont les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu cherches, c'est quoi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est quoi les attributs que Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué? Et c'est quoi les attributs que le prophète alayhi sallam a attribué à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est quoi ces noms? ce souverain auquel nous avons confirmé la souveraineté et auquel et que nous adorons uniquement, c'est quoi ces attributs? C'est quoi ces noms? أن بعض المسلمين الذين أقروا بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية عادوا يجادلون في توحيد الأسماء والصفات فبعد أن أقروا بأن الله سبحانه وتعالى إله واحد لا معبود بحق الله إذا بهم يجعلون له شركاء لا تعد ولا تحصى في باب الأسماء والصفات وطبعا هذه كذلك مسألة خطيرة. Et ce qui est regrettable maintenant, c'est que certains musulmans, une fois qu'ils ont confirmé le monothéisme de la souveraineté et le monothéisme de l'adoration, comme quoi nous adorons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont revenus à polémiquer sur le monothéisme des noms et des attributs d'Allah. Après avoir reconnu que le culte doit être réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, ils commencent à faire des associés à Allah subhanahu wa ta'ala et à dire n'importe quoi sur les noms et les attributs d'Allah. Et ceci est très dangereux. وهذا مثال في باب الأسماء والصفات حتى تكون معنا ثلاث أمثلة في الأخطاء في التوحيد. خطأ في الربوبية وهو أننا عرفنا الله بالعقل وهذا خطأ كبير. بل ما عرفنا العقل إلا بالله عز وجل وهو الذي وهبنا العقل. ثانيا خطأ في توحيد الألوهية وهو تفسيرهم لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله وهذا لا شك خطأ جسيم لأن المعنى الذي يجب أن يفهم من لا إله إلا الله هو لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. Voici maintenant un exemple dans les erreurs dans lesquelles on a dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que soient devant nous trois grandes erreurs dans lesquelles les gens tombent en ce qui concerne le monothéisme. La première erreur, nous avons vu, c'est dans la souveraineté. Ceux qui disent, nous avons connu Allah par la raison. Et qui nous a dotés de la raison? C'est nous, Allah. Comment on peut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous l'avons connu avec la raison? Qui t'a donné cette raison? Et ceci est une erreur. De dire que nous avons connu Allah avec la raison. La deuxième erreur, il est dans le monothéisme de l'adoration, qui est le fait d'interpréter la ilaha illallah et de dire il n'y a qu'Allah qui donne la subsistance, il n'y a qu'Allah qui donne la vie, il n'y a qu'Allah qui donne. Ceci est vrai, mais ce n'est pas l'interprétation de la ilaha illallah, ce n'est pas la définition de la ilaha illallah. Et ceci est une énorme erreur. La définition de la ilaha illallah, c'est. Ni digne d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala. وهنا كذلك في باب توحيد الأسماء والصفات خطأ كبير شائع جدا حتى في وسط المثقفين وخاصة في وسط المثقفين. تسأل أحدهم أنت موحد؟ نعم. لا إله إلا الله. فهذا الرب الذي وحدته أين هو؟ يا من عبدت إلها واحدا Fardan, samadan, aina rabbuk. Et voici maintenant l'erreur dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une énorme erreur. Et dans cette erreur, tant pas que le commun du musulman, là, une grande majorité de la pyramide, des intellectuels tombent dedans. Et surtout dans le milieu des intellectuels. Tu poses la question à quelqu'un, tu es monothéisme. Certes, la ilaha illallah. Ce souverain que tu as connu, à qui tu réserves ton culte, il est où? Il est où? Fatusdamu bil jawab. Fatusdamu yajubati ba'dihim. Rabbuna laysa lahu makan. Rabbuna fi kulli makan. أو ربنا يتعالى عن المكان والزمان ليس له مكان ولا زمان وهؤلاء الأحباش حولكم اسمعوا ما يقولون في قضية الاستواء. Et tu reçois un choc quand tu entends la réponse. Notre souverain n'a pas de lieu. Notre souverain n'est pas acculé dans un lieu. notre souverain est au-dessus du lieu et du temps. Hein? Et ils sont autour de vous. Hein? Et ils polluent comme la gangrène dans cette communauté de Rennes. Hein? Entendez-les pour ce qui concerne le terme, l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de tout. Idan hada, mada ya'budu hada. هذا الذي يقول الله ليس له مكان وله ولا له زمان ماذا يعبد ها؟ هذا يعبد العدم يسأل المسلم أين ربك الذي تعبد وتجيب أنه ليس له مكان فيقول هذا بمقاله أن الله غير موجود مآل قولته أن الله غير موجود فهو يعبد العدم donc celui-là, quand la question lui est posée et qu'il répond ses réponses, Allah n'a pas de lieu, n'a pas besoin de lieu ni de temps, etc. Hein? Et il est dans aucun lieu, etc. Donc celui-là, qu'est-ce qu'il adore en réalité? Parce que la signification de sa parole, ça veut dire que Allah n'existe pas. Donc ça veut dire qu'il adore rien. Du vent. Hein? Rien. فَأَلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَ عِنْدَمَا جَادَلُ الْمُخَالِفِينَ فِي بَابِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَجَدُوا أَنَّ كُلَّ الْمُخَالِفِينَ يُتْبِتُونَ لِلَّهِ ذَاتًا وهذا ليس ببدع من القول فإن الله في آيات عديدة يذكر عبارات فيقول على لسان عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأهل العلم في هذا الباب يذكرون لفظة النفس التي تنسب إلى الله وهي في اللغة مرادفة للفظ الذات وفعل الله سبحانه وتعالى les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna quand ils ont polémiqué et débattu avec ceux qui sont en divergence dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils se sont retrouvés dans cette situation. C'est que ceux qui polémiquent et qui ont des erreurs dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala l'être. Et ceci, ce n'est pas une innovation. Et dans mon verset, Allah subhanahu wa ta'ala s'attribue à lui-même l'être. Il est dit dans le verset, hein, par la voix de Isa alayhi salatu wassalam, il dit, Isa dit, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit dans le Coran, tu sais ce qu'il y a en moi, ce qu'il y a dans mon nefs, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans ton nefs, je ne sais pas ce qu'il y a dans ton être, mais toi Allah, tu sais ce qu'il y a dans mon être. Hein? Et les hommes de science, à ce niveau-là, l'expression nefs, son synonyme en langue arabe, c'est l'être. Hein? Wal mukhalifuna في باب الأسماء والصفات يثبتون لله ذاتا ويقولون هي لا كالدوات طبعا لو أنكروا أن لله ذاتا ففي الحقيقة أنكروا الله et ceux qui sont en divergence et qui sont dans des erreurs dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala confirment Allah subhanahu wa ta'ala l'essence au l'être hein? Ils disent c'est un être qui n'est pas comme les autres êtres hein? Il est comme il sied à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que s'il nie l'essence d'Allah, ça veut dire qu'ils ont nié Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne peuvent pas faire autrement. واحد يقول انا اعبد رب لا ذات له فيقول له انت لا تعبد شيئا اصلا انت تعبد صنما انت تعبد عدما ولأهل العلم كلمة مشهورة يقول المجسم هذا الذي يجعل الله كمخلوقاته ويجعل له ذاتا كالمخلوقات أنه يعبد صنم وهذا المعطل يعبد العدم et donc quelqu'un qui dit moi j'adore Allah j'adore un souverain qui n'a pas d'être bah celui-là les hommes de science disent toi tu adores le néant quelque chose qui n'existe pas du vide. Et les hommes de science ont une parole réputée, ils disent, ceux qui adorent, hein, qui font un corps à Allah, comme le corps de ses créatures, ceux-là, ils adorent des statues. Et ceux qui font la négation des attributs d'Allah, ceux-là adorent le néant, quelque chose qui n'existe pas. والمجسم هذا هو الذي يقول وجدنا في كتاب الله عز وجل يريدون وجه الله يد الله فوق أيديهم جاء ربك فيقولون هذه الصفات صفات معلومة لدى البشر بمعاني وكيفيات يعرفها البشر فهي نفسها مثبتة في حق الله. Et le mujassim, celui qui donne un corps à Allah عز وجل, cela il dit, nous avons trouvé dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala où il est dit, ils veulent la face d'Allah. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Ton souverain arrive. Ils disent, ces attributs, ce sont des attributs qui sont connus dans les créatures d'Allah. En ce qui concerne la vie humaine, ce sont des attributs qui sont connus. Donc il le commande, ces attributs, on le sait par l'être humain. Comment il est le visage chez l'être humain, comment sont les mains de l'être humain. Donc, pour Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est la même chose. Il attribue à Allah, subhanahu wa ta'ala, des attributs qui sont les attributs de l'être humain. Et donc, ceux-là, ils ont fait corps à Allah, azza wa jal. Et ceux-là ont oublié que si Allah, subhanahu wa ta'ala, s'est donné des attributs, Allah, subhanahu wa ta'ala, a décrété une règle. Rien ne lui ressemble, et il est celui qui entend et celui qui voit. Il est celui qui entend et celui qui voit, mais rien ne lui ressemble. Ça veut dire qu'aucun attribut, on doit chercher à une similitude des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ni faire des exemples. Parce qu'il y a une différence entre chercher une similitude à Allah et chercher et faire des exemples aux attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui font la négation des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ce sont des mushabbihah, ce sont des gens qui ont fait dans leur esprit déjà une similitude à Allah. Parce que s'ils ne sont pas tombés, premièrement, dans la similitude, ben ils ne vont pas faire la négation des attributs. Qu'est-ce qui leur est arrivé dans leur esprit? Allah parle de la main. Il dit, attends, si je dis qu'Allah il a une main, ça veut dire qu'il est similaire à ses créatures. Et donc, non, ici, pas Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, moi, je ne reconnais pas la main. Donc, à la base, il est mushabbé. Il est quelqu'un qui fait des similitudes à Allah. Il est tombé dans deux énormes erreurs. Et après, par la suite, il en découle de cette similitude qu'il est négateur à la fin. Et après, il s'est sauvé d'une chose, il est tombé dans pire. La négation des noms et des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il est, avant d'être négateur, il faisait partie, la similitude s'est faite dans son esprit. C'est vrai qu'il est tombé, le mu'attil hada, il est dans deux énormes situations graves. La similitude et la négation du nom et des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu ahlul ilm li haula'i kullum itbitu al-ma'n, le ma'na, li sifatillah, wa lima atbata Allah, subhanahu wa ta'ala, nafsi wa atbatahu la rasulullah, wa la tabhatu fil kayf, al-kayf hada la ya'lamu illa Allah. أما المشبهة والمجسمة فهدوا يثبتون لله سبحانه وتعالى ما فهموه من صفات المخلوقات وهذا أمر عظيم في حق الله سبحانه وتعالى. Donc les hommes de science disent à ceux-là, confirmer Allah سبحانه وتعالى ce qu'il s'est confirmé lui-même parmi les noms et les attributs qu'il s'est donné lui-même, que lui a donné le messager عليه الصلاة والسلام, avec la signification qu'ils ont dans la langue arabe. Mais ne cherchez pas le comment. La main, on sait ce que ça veut dire en langue arabe, mais ne cherchez pas comment il est la main d'Allah. N'allez pas faire des similitudes, n'allez pas chercher des exemples, des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ses créatures. Rappelez-vous toujours, rien ne lui ressemble, il est celui qui entend et celui qui voit. Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné des attributs. Il t'a donné une règle, comment agir avec les attributs, avec ses noms. Tout ce que tu peux imaginer, tout ce qu'il peut imaginer un être humain dans son esprit en ce qui concerne Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah est différent de ce que tu peux imaginer. Il faut couper. On ne peut pas arriver à connaître le comment des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est impossible. Et c'est une porte de l'égarement de vouloir chercher ou de vouloir faire des attributs à Allah, subhanahu wa ta'ala, à donner à à chercher le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهؤلاء وقعوا في هذا الخطر لأنهم جسموا الله جعلوا لله جسما كجسم المخلوقات وصوروه بما يعرفوه من المخلوقات فوقعوا في خطر عظيم. Ceux-là, ils sont tombés dans cette énorme erreur, c'est qu'ils ont fait un corps à Allah Azza wa Jal, similaire à ce qu'ils connaissent des créatures d'Allah. Et donc, ils sont tombés dans l'énorme erreur et dans un grand égarement. وفي المقابل كما يقال لكل فعل ردة فعل مساوية له في القوة ومضادة له في الاتجاه فهؤلاء قالوا جاء ربك هذا لا يمكن أن ينسب إلى الله الله لا يأتي ولا يجي الوجه لا ينسب لله ليس له وجه الله لا يد له فهؤلاء كلما جاءتهم صفة من صفات الله من خشيتهم أن يقعوا فيما وقع فيه المجسمة عطلوا الصفات فسموا المعطلة. Et donc, en face des corporalistes qui font des corps à Allah comme ces créatures, il y a toujours une réaction contraire qui arrive. Et né les négateurs. Le négateur, lui, quand il s'est imaginé le corps humain ou le corps des créatures, il les attribue qu'à les créatures et il fait la comparaison entre eux, les attributs d'Allah, il se dit non, Allah il n'a pas de main, Allah il n'a pas de visage, Allah il n'a pas ceci, Allah il ne peut pas venir, etc. Et se mettre en colère, ça c'est une réaction intérieure de la personne, ceci est impossible vis-à-vis d'Allah. Le Jahmi, il te dit, la parole, ça implique que la bouche, les lèvres, la lèvre d'en haut bouge et tombe sur la lèvre d'en bas, donc ceci est impossible vis-à-vis d'Allah. Azzawajal, il commence. Donc il met de côté qu'est-ce qu'il fait à la fin pour sortir de là, croyons qu'il va sortir de là. Il nie, il fait la négation des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le corporaliste, lui, il lui fait des similitudes dans ces créatures. Et le négateur, lui, c'est la réaction contraire. Il fait la négation de tout. Et tout, c'est évidemment, ils sont dans une énorme erreur. C'est ce qui a poussé les hommes de science de dire que les corporalistes adorent une statue et les négateurs adorent le nion. وَأَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يَقُولُونَ نَحْنُ مَا نَسْتَطِيعُ مَعْرِفَةَ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلْ إِلَّا بِهِدَايَةِ اللَّهِ لَنَا عرفنا ربنا بهدايته لنا وحدناه وعبدناه بهدايته لنا أثبتنا أنه فرد صمد واحد أحد في أسمائه وصفاته بهدايته لنا. Et les hommes de la sunna, ceux qui sont unanimes sur la sunna, ils disent, nous, on ne peut pas connaître Allah subhanahu wa ta'ala sans que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Il nous facilite sa connaissance. Il nous guide vers sa connaissance. Nous avons unifié Allah subhanahu wa ta'ala, nous lui avons réservé le culte, nous lui avons reconnu comme quoi il est le seul au niveau de la création et de gérer cette création, etc. Parce qu'il nous a guidés. Parce qu'il a ouvert notre cœur à tout ceci. Nous lui confirmons qu'il est unique, qu'il a besoin de personne, qu'il n'a pas été engendré, Donc nous reconnaissons le monothéisme dans les noms et les attributs parce qu'il nous a guidés vers ça. Parce que c'est lui qui nous a guidés vers ça. Et nous confirmons à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il c'est donner lui-même comme nom et attribut sans lui faire de similitude, sans lui faire de ressemblance, sans lui faire un corps, sans faire la négation des noms et des attributs et sans divier les sens, sans donner une autre signification au sens. Certains, pour ce qui concerne la main, étudient c'est la puissance. Et aussi d'autres, ils disent pour la main c'est quoi? C'est ni'ma. C'est les bienfaits. Et quand ils disent « Ja Arabuka, ton souverain arrive », ils disent « Là, c'est l'ordre de ton souverain qui arrive ». Et ainsi de suite. Déformation des sens. Fa al-wajibu alayna annana idha wajadna sifat al-wajh qulna wajhullahi laysa ka wujuhina wa lillahi yadun laysat ka aydina wa lillahi wallahu yaji laysa ka maji'ina wallahu yafrahu laysa ka farahina والله يغضب ليس كغضبنا وهذا كله تحت قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والله سبحانه وتعالى هو الذي أعطانا هذه القاعدة. قال عز وجل فالله عز وجل له أسماؤه الحسنى وصفاته العلى. ولكنه كما هو واحد في باب الربوبية فهو أيضا واحد أحد فرد صمد في أسمائه وصفاته، فلا يشبهه في أسمائه وصفاته أحد ولا يماثله فيها أحد. فهكذا يجب أن يكون توحيد الموحد لله سبحانه وتعالى. Donc, notre devoir, nous quand on se retrouve devant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous a parlé qu'il a une face, un visage. Hein? Nous devons dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a un visage qui ne ressemble pas à aucun visage, qui n'a pas de similitude hein, dans le visage qui existe. Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué la main dans le Coran. Nous devons confirmer Allah subhanahu wa ta'ala la main, et sa main n'a pas de similaire dans les mains de ses créatures. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala a dit de lui qu'il vient. Nous devons confirmer cet attribut à Allah subhanahu wa ta'ala comme il s'y a la grandeur de Allah subhanahu wa ta'ala. Sans chercher de similitude, et nous avons la règle qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donnée lui-même. Rien ne lui ressemble, ni celui qui entend et celui qui voit. Hein? Et chaque fois que Shaitan vient tout ouïs à ce niveau-là, rappelle-toi de cette parole d'Allah, « Laïsa kamitli hishay wa huwa sami' al-basir » Rien ne lui ressemble, il est celui qui entend et celui qui voit. Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné des noms, s'est attribué des noms, comme lui a attribué des noms et des attributs Muhammad alayhi sallatu wassalam, hein? Comme il est, Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans sa souveraineté, il est, nous devons lui réserver le culte exclusivement. Bah, au niveau des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique. Il n'a pas de similaire. Rien ne lui ressemble. Hein? Personne n'est associé avec lui dont, au niveau de ses noms et de ses attributs. Les attributs et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont comme il s'y a la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et à sa majesté. Et c'est ainsi que doit être le monothéisme. C'est ainsi que doit être le monothéiste. Le monothéisme de celui qui veut parfaire son monothéisme, il parfait le monothéisme à ces trois niveaux. Au niveau de la souveraineté, rien, personne ne peut faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ce que ne peut faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il doit réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit confirmer à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est donné comme nom et comme attribut, et comme aussi lui a confirmé le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tout en se disant dans la tête que ses noms et ses attributs sont comme il sied à la grandeur et à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. فالذي يقول انا لا اعلم لربي مكانا او ان الله في كل مكان يجب ان ينبه وان يفهم ما يقول اتعبد ربا لا تعرفه يا اخ الاسلام لا بد ان يعرف ان هذا السؤال له اجابه في الكتاب والسنه ولا يقول كما يقول هذا المتهور في المجتمع الفرنسي هذا ها لا يهمني أن أعرف أين الله كيف لا يهمك أن تعرف أين الله الله تعرف بأعظم صفاته وهي العلو وأنت تقول لا يهمك أن تعرف أين الله donc celui qui dit que mon souverain je ne sais pas où il est mon souverain je ne sais pas où se trouve mon souverain celui-là il faut attirer son attention sur ce qu'il est en train de dire. Et celui qui dit qu'Allah est partout, il faut attirer son attention sur ce qu'il est en train de dire. Lui faire comprendre l'énormité de ce qu'il est en train de dire. Est-ce que tu connais, tu adores un souverain que tu ne connais pas? Hein? Et il faut lui faire comprendre que cette question a sa réponse. Où il est Allah a sa réponse. Dans le livre d'Allah et dans l'authentique de la sunna du prophète, et que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a posé cette question. Il ne faut pas réagir comme ces minus dans cette société française qui dit « Moi, peu m'importe de savoir où il est Allah. » Comment ça peut t'importe? Allah, subhanahu wa ta'ala, il s'est connu à ses serviteurs avec l'un des plus grands attributs qui est l'élévation au-dessus de tout. Et toi, tu dis « Peu m'importe de connaître où il est Allah, azza wa jal. » Cette parole est énorme. فهذه الإجابة على أين الله علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله في الحديث الصحيح وليس كما سماه بعض من لا يريد الحق ولا يريد اتباع السنة استصغارا لهذا الحديث وعدم الإقرار بما فيه مع أنه في صحيح مسلم وهو صحيح واتفق أهل العلم في هذا الفن على قبوله ولم يضعفه أحد من أئمة الحديث ولم يتكلم في سنده أحد من أئمة هذه الصناعة. قال هذا حديث لا ينفع، نسأل الله السلامة والعافية. وصحيح الإمام مسلم عند مسلم المغاربة كانوا يعتدونهم يعتدون صحيح مسلم قبل أصح من صحيح الإمام البخاري. وهذا يقول هذا حديث لا ينفع، إنما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الجارية على قدر عقلها، لا حول ولا قوة إلا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقر الباطل ويسكت عن الحق، بل ويمدح الباطل ويقول لا اعتقها فإنها مؤمنة، والحديث هو حديث الجارية. أن الله سبحانه وتعالى cette réponse pour répondre à où il est Allah عز وجل رسول صلى الله عليه وسلم l'a appris dans un hadith authentique. Ce hadith, il est authentique, il est dans l'authentique de l'imam Muslim, rahimahullah. Et ce hadith, certains qui ne veulent pas la vérité, qui ne veulent pas le suivi de Muhammad alayhi salatu salam, n'approuvent pas ce hadith, alors que le hadith, il est dans l'authentique de l'imam Muslim. Alors que l'authentique de l'imam Muslim, pour les musulmans du Maghreb, le considère en premier avant l'authentique de l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Et peu importe le classement que font les gens d'Orient, les musulmans d'Orient, et de, peu importe, l'essentiel c'est que ces deux livres sont les plus authentiques livres dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et que ce hadith, en plus de ça, ce hadith, aucun nom, aucun spécialiste de la matière du hadith n'a osé, on a aimé une parole ou une critique sur la chaîne de transmission de ce hadith ou là sur les paroles de ce hadith. Personne. Toute la communauté, les spécialistes du hadith sont unanimes sur l'authenticité de ce hadith. Et هذا il nous dit, Rasulullah il a pris tout simplement cette servante selon, hein, selon son moyen intellectuel et selon son niveau intellectuel tout simplement. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salam wa l'afiyah. Mais celui qui a pris le corbeau comme guide, il est évident qu'il va le passer sur le cadavre des corbeaux. Ce qui a pris le corbeau comme guide, il est évident qu'il va le passer sur les cadavres pions. La même chose. Quand tu suis l'école de la raison, et quand tu veux suivre tes passions, bah, il est évident que tu vas dire n'importe quoi dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tu vas défigurer la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et cette parole qu'ils disent, ils ne savent pas. Maintenant, s'il dit, le prophète, alayhi sallam, il a parlé à cette fille selon son niveau. Ça veut dire que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam confirme le faux et approuve le faux et le blâmable. Hein? C'est ce que ça veut dire. Et ça veut dire que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge au faux et au blâmable parce qu'il a dit au maître de cette servante, libère-la, c'est une croyante. Voilà ce que ça veut dire. Et le hadith, c'est le hadith de la servante. هذا معاوية بن أبي الحكم السلمي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وارضاه قال كانت لي جارية قد خرجت لي طلع الغنم فجاء الذئب فأكل منها فلما علم بذلك صفعها على وجهها وبعد أن عرف أن هدأ عرف بأنه أخطأ لأن الصفع على الوجه منهي عنه حتى ولو كان حيوانا لا يجوز لك أن تصفع الوجه فضلا عن أن يكون إنسانا لا يجوز الضرب على الوجه أبدا فإن الله أكرم وجه ابن آدم فضلا عن بقية المخلوقات فإذا نهينا عن ضرب الحيوانات في وجه فكيف بالإنسان إي معاوية بن أبي الحكم السلمي رضي الله عنه وارضاه il avait une servante qui était sa bergère et qui prenait le troupeau de montants qu'il allait dans les alentours de Uhud. Un jour, il s'est rendu compte que le loup a mangé une brebis. Donc, c'est un être humain. Il voit un de ses biens qui est parti. Et au moment de la colère, il a donné une claque à la jeune servante, à la jeune bergère. Mais quand il est revenu à lui-même, il s'est calmé, il s'est rendu compte qu'il a fait une énorme erreur. Parce qu'il est interdit à l'être humain de frapper quelqu'un sur son visage. Et encore moins, un animal, tu n'as pas le droit de le frapper sur son visage. Et encore moins, l'être humain, c'est interdit. Allah subhanahu wa ta'ala, il a honoré la descendance d'Adam. Il nous a interdit de frapper quelqu'un sur le visage, que ce soit nos enfants ou quoi que ce soit. Tu n'as pas le droit. Tu transgresses l'un des ordres du prophète, alayhi salatu wassalam. Et tu n'as pas le droit de donner une claque à un animal. Tu es sur le dos d'un cheval, le dos d'un... Tu n'as pas le droit de lui donner une claque sur le visage. فمعاوية رضي الله تعالى وارضاه ما كان منه إلا أن ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وحكى له ما وقع فعرف منه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يعتقها تكفيرا عن ذنبه ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يطمئن ويرأى هذه الجارية ويعلم أنها رقبة مؤمنة لأن ربنا يقول فتحرير رقبة مؤمنة فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالجارية فأتاه بها فقال لها عليه الصلاة والسلام من أنا؟ قالت أنت رسول الله قال لها أين الله؟ وهنا بيت القصيد قالت رضي الله عنها في السماء في السماء قال عليه الصلاة والسلام اعتقها فإنها مؤمنة ويأتيك أهل التخريف وأهل الباطل وأهل التحريف يقول لك إنما أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر عقلها نسأل الله السلامة والعافية دونك معاوية رضي الله تعالى وارضاه il est parti directement au prophète عليه الصلاة والسلام et il a conté son histoire ce qui lui est arrivé avec la servante au prophète عليه الصلاة والسلام le prophète a senti en lui qu'il voulait la libérer c'était une esclave qu'il voulait la libérer et le prophète عليه الصلاة والسلام voulait s'assurer que c'est une croyante Parce que la libération se fait pour un esclave croyant. Il est dit dans le verset « Fathriru raqabatin mu'mina ». Il lui a ordonné de lui ramener la servante. Il lui a ramené. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit à la servante « Qui je suis ?» Il lui a dit « Tu es le messager d'Allah ». Il lui a dit « Où il est Allah ?» Il a dit « Au-dessus du ciel ».« Fis sama »« Fi » ici, ça ne veut pas dire « Don ». Hein ?« Au-dessus du ciel ». Et lui a dit, libère-la, c'est une croyante. Libère-la, c'est une croyante. Qui a posé la question où il est Allah? C'est qui? C'est un philosophe? C'est qui? C'est le prophète d'Allah, Azza wa Jal. D'où, quelqu'un qui pose la question à l'un de ses frères, où il est Allah? Ce n'est pas pour les prophètes, c'est pour savoir, est-ce que celui-là, il te veut du bien? Parce que si tu crois... comme te l'ont inculqué tes parents au Maghreb, qu'Allah est dans le cœur des croyants, c'est énorme. Si tu crois, comme tu l'entends autour de toi, par l'Ahbash et autres, qu'Allah est partout, c'est énorme. Comment Allah est partout? Et c'est, et n'hésite pas, quelqu'un te pose la question à un Allah, réponds-lui, si tu connais, c'est bien, tu connais pas, au moins, et tu es en face de quelqu'un qui veut ton bien, il va t'attirer ton attention sur l'erreur. Il va te ramener la preuve comme quoi ce que tu crois n'est pas bon. Hein? Et pas dire comme cela les gens qui dépouillent l'essence de leur signification et qui induisent les gens en erreur et qui même, par la parole qu'ils ont dit, ont médisé sur le prophète al-Sallam, ont dit du mal sur le prophète al-Sallam. Le prophète al-Sallam, après cette servante, selon son niveau. الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية فيجب علينا أن نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه ولماذا لا نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وأثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن نتدخل في الكيف يا أخي الإسلام فأهل السنة والجماعة يتوقفون ولا يتدخلون في الكيف فقط وإنما معاني الصفات معلومة في لغة العرب الغضب معناه الغضب ما تأتي تتفلسف عليه وتقول لي هذا انفعال نفسي والانفعال لا يجوز في حق الله والفرح انفعال نفسي ولا يجوز في حق الله يا أخي هذه كلها ترهات وفلسفات الإغريق وهذا اتركها عندك اترك هذا الكلام لبيتاغور وافلاطون وارسطو وابن سينا وابن رشد والفارابي وهؤلاء الفلاسفه، اترك هذا الكلام جاهلا. ها، واثبت لله ما اثبته لنفسه بدون تكييف. المعنى معلوم في لغه العرب، ولكن الكيف مجهول، فانت تكون على طريقه محمد وصحبه الكرام رضوان الله عليهم. ان الله عز وجل il faut confirmer à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est donné lui-même comme attribut. Et pourquoi on ne doit pas confirmer à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est donné lui-même et ce que lui a donné son prophète alayhi salatu wasalam comme nom et attribut. Il faut, c'est notre devoir de lui confirmer ce qu'il s'est donné lui-même et ce que lui a donné son message alayhi salatu wasalam. On ne doit pas immiscer notre raison dans le comment des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les hommes de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna et qui se respectent, ne s'immiscent pas dans le comment des attributs d'Allah. Le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala le connaît. Et qu'on arrête d'écouter ces dissertateurs à deux sous. Et leur dissertation, elle est des domaines, ils l'ont hérité d'Aristo, de Platon et de Socrate et de Pythagore, qui eux, de l'emprise Avicenne et Averroès et le Farabi, et les autres ont suivi ces hommes qui portent des noms, qui t'annoncent qu'ils sont musulmans. Et l'énorme erreur est arrivée de là, la traduction de ces livres, de la civilisation, de la philosophie gréco-latine. C'est elle qui a détruit les croyances des gens. Ils ont commencé à spéculer. D'où est né ilm al-kalam, la spéculation. Spéculer sur les noms et les attributs d'Allah et sur le destin. Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il se met en colère. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère. Et qu'il se réjouit, il est content. Adèle dit non, on ne peut pas reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala comme quoi il se met en colère. Et de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala comme quoi il se met en colère. Parce que ce sont des réactions intérieures. Il ne suit pas Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir des réactions. Yahi, pourquoi tu es en train de faire la similitude des actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à toi, et par rapport aux humains, et par rapport aux créatures? Allah, il a dit qu'il se met en colère. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a confirmé. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il se réjouit. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a confirmé aussi à Allah subhanahu wa ta'ala. Confirmez-le comme il l'a confirmé le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné, il laisse la dissertation de côté. Il ne rentre pas dans le comment. Le problème, il vient du comment. Comment? Comment la réjouissance d'Allah, comment la colère d'Allah? Ya akhi, coupe court à tout ça. Tu ne peux pas le capter comment, le comment. Le comment de l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas y arriver. Pourquoi? Parce que déjà l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne la connais pas. Comment tu peux connaître l'attribut? L'attribut, il dit colle du l'être. Comment tu peux, à ce moment-là, l'attribut dit colle du fait de connaître l'être. Tu ne connais pas l'être. Et donc, tu ne peux pas connaître le comment de la tribu. C'est impossible. Il faut couper court à tout ça. Et ça, c'est le souhait, c'est-à-dire le shaitan. Allah Azza wa Jalla fi s-sama wa laysat fi bi-ma'na d-darfiyya huna lianna al-ba'd yafhamu fi dakhil wa fi l-lugha fi laha ma'ani katira wa minha ma warada fi l-Qur'an bi-ma'na ala qala Azza wa Jal hakiyan an fir'aun ولا أصلبنهم في جذوع النخل. فرعون سيصلب السحرة وصلب السحرة، هل صلبهم في داخل جذع النخل أو علقهم على جذع النخل؟ ففي بمعنى على. دفعنا الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى s'attribuer l'élévation au-dessus de tout et qu'il est au-dessus des cieux. Et donc nous devons attribuer à Allah, subhanahu wa ta'ala, lui reconnaître cet attribut qui est le ulou, l'élévation au-dessus de tout. Il dit dans le Coran, fissama, dans le hadith du prophète, fissama, mais fi ici, des fois des gens comprennent de fi, dedans. C'est vrai que fi, ça veut dire dedans. Mais dans le contexte, il faut voir le contexte de la phrase, et des fois il arrive, l'une de ses significations, c'est au-dessus, sur, et non pas dedans. Il y a un exemple dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Pharaon. Et Pharaon a dit, je vais les crucifier. Si on prend l'interprétation de ceux qui déposent les sangs, ça veut dire je vais les crucifier dans les troncs des palmiers. C'est possible. Parce que le terme qui est employé, c'est fi. La lettre qui est employée, c'est fi. Donc pour eux, c'est don. Alors que je vais les crucifier sur quoi? Sur les troncs de palmiers. C'est la même chose. Allah, fils Sama, veut dire Allah est au-dessus du ciel. Il n'est pas dedans. Tu ne peux pas acculer Allah dans un lieu comme ça. Rien ne peut entourer Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est impossible. C'est impossible. Hein? وقال تعالى فسيروا في الأرض فهل معنى هذا أنك تدخل في التراب وتدخل في قاع الأرض فسيروا في الأرض et سيروا على الأرض et il dit aussi dans le verset marchez sur terre mais le fi il y a fi ici ça veut dire que selon leur fausse interprétation rentrez dans la terre marchez en rentrant dans la terre est-ce que c'est possible non l'interprétation correcte c'est marcher sur terre. ففي تأتيف القرآن بمعاني ومن هذه المعاني على وهو المراد في هذا الموضع. Et donc في dans le Coran arrive avec beaucoup de significations parmi ces significations au-dessus sur au-dessus et donc c'est ce qui est voulu dans ce genre de verset marcher sur terre marcher dans la terre c'est pas possible mais c'est marcher sur terre في السماء non Allah il est pas في السماء dans le ciel il est au-dessus du ciel. Au-dessus du ciel et au-dessus du trône. Et il n'a besoin ni des cieux, ni du trône. فقول المسلم إذا جاب أن الله في السماء يعني فوق السماوات السبع وفوق العرش العظيم سبحانه وتعالى. وقد بين عز وجل في آيات عديدة أنه استوى على العرش على سبحانه وتعالى فوق ذلك كله. Quand le croyant répond qu'en quoi Allah il est fils Sama, ça veut dire qu'il est au-dessus du ciel et au-dessus du trône géant d'Allah Azza wa Jal. Et dans maintes versets, sept versets dans le Coran, Allah il nous a montré, il nous a parlé de l'istiwa, l'élévation au-dessus du tout. وَالْعُلُوْ هُنَا بِخِلَافِ مَا فَهِمَهُ مَنْ أَضَى اللَّهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى وَأَضَى اللَّهُ عَقْلَهُ ودائما يقول أهل العلم العقل لأن من أبواب الزيغ والضلال الاغترار بالعقل الإنساني وكل الأحاديث الواردة في مدح العقل موضوعة ولا أصل لها وواهية عند أهل الصناعة بعلم الحديث لا يصح منها شيء في بعضها أول ما خلق الله العقل وقال لولا كما خلقت شيئا طبعا هذا الكلام باطل وسقيم ولا يصح في العقل ولا في فضل العقل حديث واحد أبدا. Donc l'élévation ici c'est le contraire de ce que croient ceux qui ont été égarés par leur raison et que Allah subhanahu wa ta'ala a égaré. Et les hommes de science attirent toujours l'attention sur la raison parce que l'une des portes de l'égarement et de la déviation, c'est la raison humaine. Le fait d'être imbu de la raison. Et qu'on sache que tous les hadiths qui sont dans le fait de faire des éloges à la raison sont inventés. Il n'y a pas un hadith authentique dans l'éloge de la raison. Et l'unanimité chez les gens du hadith et ceux qui maîtrisent et qui sont les maîtres de la matière du hadith, aucun hadith n'est correct. Et tous les hadiths concernant la raison et les vertus de la raison sont inventés. Parmi ces hadiths, il y a la première des choses que Allah il a créé, c'est la raison. Et il lui a dit, si ce n'est pas toi, je n'aurais rien créé. Et naturellement, ces paroles sont insensées. C'est des paroles insensées. Ils ne sont pas authentiques. Et concernant les vertus de la raison, il n'y a aucun hadith. Il n'y a aucun coup court. Et dans chaque spécialité, on doit revenir vers les maîtres de la spécialité. Tu veux à une opération porte en cœur, tu cherches qui? le meilleur des cardiologues de ta région. La même chose pour le hadith. Ne pas aller le chercher chez le babouchier, et c'est l'historien qui a eu sa licence d'histoire dans l'université Lille 3, ou là, celui qui est le diplômé de la Sorbonne, ou autre, là, y'a l'islam. Les authentificateurs du hadith ne sortent pas de là. Il faut couper court. On doit, pour chaque chose, nous devons nous orienter vers les dînes de la matière. Les dînes de la matière. Il ne faut pas jouer avec notre religion. Il ne faut pas jouer avec la parole de notre prophète, alayhi salam. Un chat, c'est un chat. Et un chien, c'est un chien. Et un rat, c'est un rat. Et un homme du hadith, c'est l'homme du hadith. L'homme de la religion, le savant par excellence, c'est le savant. La savonnette, on se lave avec tout simplement et on la met dans la salle de bain. Et des fois, ça nous fait glisser. Donc, il ne faut pas suivre des savonnettes. Il faut suivre les hommes de science dignes du nom. Et ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a dit d'eux, demandez aux hommes de science si vous ne savez pas. Et c'est notre devoir, c'est leur demander. Mais encore, il faut s'adresser à l'homme de science. Et subhanallah, pour tout, on respecte la spécialité. Je veux passer un diplôme de plomberie, je vais à la chambre des métiers, etc. Et dans l'école qui est la formation dans laquelle il y a les plombiers qui te forment, etc. L'électronique, la même chose, etc. Mais quand il s'agit de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on ne fait pas attention. Hada, il a une licence de physique, et viens, je t'apprends là. La biographie du prophète, alayhi salatu wassalam. D'où tu l'as appris? S'il l'avait appris, on ne dit pas. Mais on ne lui connaît pas d'apprentissage de la religion ni de la biographie de Mohammed, alayhi salatu wassalam. Comment il vient me l'apprendre? Si, il se peut. Il y a des frères, mashallah, qui râlent et les sciences mondaines, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur augmente leur science, et qui râlent aussi la science de la religion et la science de la sunna, etc. Il y a, on ne dit pas qu'il n'existe pas. Mais moi, je te parle de cas où Hada, tout simplement, qu'est-ce qu'on voit en lui? Il a réussi ses études mondaines et ses diplômes, etc. Et comme il est venu du bled, mais au bled, juste il a mémorisé certains versets, ou il a la moitié dans le Coran, jamais il a appris la jurisprudence, ni les règles de la religion, ni le hadith, ni les règles, ni les fondements du hadith, quoi que ce soit. Et comme il est là, et que nous, on est des pauvres petits francophones que nous ne connaissons pas l'arabe, ben lui, il est là. Après, qu'est-ce qui arrive? L'adalat et le gonflement. Et jouer avec les mots. Qala Rasulullah sallal. Et après, vas-y, et on tombe comme des mouches. Faut très attention de chez qui on apprend notre religion. C'est un énorme problème. Faut respecter les spécialités. On est contre qui que ce soit. Et plus le musulman a de spécialités, plus c'est mieux pour cette communauté. Parce que, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant fort est mieux que celui qui est faible. Et il est évident que celui qui a avec la science de la religion et les sciences mondaines, c'est un élément très fort dans notre communauté. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et il faut savoir, il faut qu'on respecte les choses et qu'on mette les choses à leur place. Parce qu'il en va de l'agrément de Allah, Azza wa Jal. Soit on va être dans la droiture, soit on va dévier. Il faut chercher. Qu'est-ce qu'on veut? On veut l'agrément de Allah, subhanahu wa ta'ala, ou là on veut juste passer le temps et se caresser dans le sens du poil, et chaque fois qu'il y a un mouvement, on suit. On dit Amen, et vas-y. فالله عز وجل خلق العقل لكي يكلف الإنسان بناء على العقل فالعقل وسيلة للاستدلال ووسيلة للمعرفة ووسيلة للنظر والتفكر أما أن نجعله أساسا على كل شيء فلا. الله سبحانه وتعالى a créé la raison. Il a doté l'être humain de raison pour que partant de la raison qu'il l'a doté, et lui fasse obligation de certaines choses. Parce que celui qui n'est pas doué de raison, ce qui est obligatoire pour celui qui a la raison, n'est pas obligatoire pour celui qui n'a pas la raison. Donc, la raison, c'est un moyen pour accomplir les obligations. Il est obligatoire que la personne, pour accomplir les piliers de l'islam, il soit doué de raison, qu'il ait sa raison complète. Hein? Donc la raison ici est un moyen pour chercher les preuves, est un moyen de la connaissance, est un moyen pour méditer et pour penser, mais il ne faut pas que nous fassions de la raison la base et le pilier. La ilaha illa l'islam, ce n'est qu'un moyen pour l'apprentissage, pour méditer, pour chercher les preuves et mettre les preuves là, les utiliser comme il se doit et les mettre à leur place qui leur convient. والعقول متفاوتة ومحدودة لأن الإنسان محدود الصفات فعقله كذلك محدود فنظرا لأننا لا نعلم من الكون إلا جانبا محدودا نظن أن هذا هو الكون كله. Et là, les raisons sont différentes d'une personne à une autre. Et la raison humaine est limitée. Hein? Comme tous les attributs de l'être humain sont limités. La raison, sa raison aussi est limitée. Et puisque nous connaissons de cet univers que ce que nous voyons, et que certains aspects très limités, nous croyons que ça c'est l'univers complètement. Alors que nous connaissons de cet univers qu'un certain aspect. فإذا قيل الله فوق السماوات وفوق العرش قيل قد جعلتم له مكانا سبحانه وتعالى كما يقول الأحباش ومن على شاكلته. Et quand il dit que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux et au-dessus de son trône, ils disent, vous avez fait acculer Allah dans un endroit, comme disent l'Ahbash autour de vous maintenant. فعند النظر والتأمل في الكون وكيفية خلق هذا الكون نعلم أن الفوقية بغير ما نفهم فيأتي بعض من يدعي العقل ويقول فإننا إن قلنا أن الله فوق فإن الأرض كروية ففي الجهة الأخرى من الكرة الأرضية سيكون الله بالنسبة إليهم تحت هذا أضله عقله ها؟ Donc quand on médite les situations, et quand on médite cet univers, et le comment de la création de cet univers, nous savons que le fait d'être au-dessus de tout, élevé au-dessus de tout en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas comme ce que nous comprenons, nous. Et arrivent certains qui prétendent faire travailler leur ménage et leur raison et mettre leur raison partout là où il ne faut pas. Il te dit, si nous disons qu'Allah est au-dessus de tout, et puisque la terre est ronde, donc de l'autre côté, la terre va être sur Allah. Aidan billah. Pourquoi? D'où ils ramènent ça? La raison, leur raison. Hein? فيقول أهل العلم لهؤلاء تعالى الله عما تقولون علوا كبيرا هذه عقولكم قد أضلتكم ويقول لهم نحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Donc les hommes de science disent à cela, Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de ce que vous croyez, de ce que vous dites. Ça, ce sont vos raisons qui vous ont égaré. Et nous, on confirme à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est confirmé lui-même et ce que lui a confirmé son messager alayhi salatu salam. وفي سورة عظيمة من سور القرآن الكريم وهي سورة الملك يأتي كلام ربنا البين الواضح أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور وقوله أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذه آيات محكمات وليست بالآيات المتشابهات وأدلة السنة بينت أن هذه الآيات محكمات واضحات. Et dans un énorme verset, un verset géant qui est le verset de la royauté, tu as la parole de notre souverain Azza wa Jal. La traduction nous dit ceci. Avez-vous la sécurité que celui qui est au-dessus au-dessus des cieux, hein, ne va pas vous engloutir sur terre, sous terre. Hein. Et dans l'autre verset, dans la même sourate, est-ce que vous avez la sécurité que celui qui est au-dessus du ciel, hein, ne va pas envoyer contre vous un ouragan de pierre? Et ces versets-là, disent les hommes de science, ce sont des versets clairs. Il n'y a pas d'ambiguïté dedans. Ne suppose pas une autre interprétation que celle qu'ont donné les hommes de science. Ils prouvent que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. Hein? Et la sunna de Mohammed alayhi salatu salam, qui est l'interprétation du Coran, qui est l'explication du Coran, le prouve. Wa ala hada indama tasma'u. قوله عز وجل هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون فاعلم أن الآية لا تتعلق بالمكان ولا تعلق لها بالمكان الذي يسأل عنه بأين الله بل هو كقوله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي هو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود وهو مؤله من أهل السماوات ومؤله من أهل الأرض. فهنا الله عز وجل quand tu entends aussi les versets où il est dit il est Allah dans les cieux et sur terre, il sait ce que vous cachez et ce que vous divulguez, il sait ce que vous faites, sache que ce verset n'a pas rapport avec la question où il est Allah. N'a pas rapport avec où il est Allah. C'est comme l'autre verset où il est dit il est Allah, il est l'Ilah, dans les cieux et sur terre. Celui-là et l'autre verset, ça veut dire qu'il est adoré par les habitants des cieux et adoré par les habitants de la terre. Hein? Et ça ne concerne pas la réponse de où il est Allah. Allah, il est adoré. Il est le seul adoré et qui mérite l'adoration et qui est le seul à qui les gens des cieux réservent leur culte. Et c'est aussi le seul pour lequel les gens de la terre et les habitants de la terre, que ce soit le djinn ou les humains, doivent réserver leur culte à Allah subhanahu wa ta'ala. وأما إذا قيل لك أين الله فلا تقل في كل مكان فكر ما معنى المكان. Et quand on te pose la question où il est Allah, ne dis pas qu'il est partout. Pense à ce que ça veut dire partout. Pense à cette phrase في كل مكان, il est partout. في كل مكان تعني ذرات الهواء فهي مكان, تعني المكان الفارغ حولك فهو مكان, تعني الحائط فهو مكان, تعني الشجرة فهو مكان, تعني شعرك فهو مكان, تعني جسمك فهو مكان. فكر فكر. وإذا دارت فهنا الله عز وجل كنت أنت بوز لا كيستيون وإلى الله عز وجل ندي با كيلي بارتو ريفليشي اسكو سا فو دير بارتو. Parce que partout, ça veut dire beaucoup de choses. Cette terre, il est prouvé que c'est un endroit. Par les Vizisiens, par Ado, il est prouvé que l'air, c'est un endroit. Le meilleur, frère Allah, Azzawajal, c'est un endroit. Ton cheveu est un endroit. Ton corps est un endroit. Ton cœur est un endroit. Les toilettes, c'est un endroit. La porcherie est un endroit. Hein? Tout ça, ce sont des endroits. Réfléchis avant de répondre. Allah est partout. فما هو المكان الذي تفهمه من قولك الله في كل مكان فما يحيط بك إما هواء وإما جماد وإما طائر وإما حيوانات وإما غائط وإما حمام فما المكان الذي تقصده بقولك الله في كل مكان. Donc c'est quoi l'endroit que tu veux dire maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire cet endroit? Qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre par il est Allah partout? Car tout ce qui t'entoure, c'est un partout, c'est un endroit. Les toilettes est un endroit, la salle de bain est un endroit, tout ce qui est inanimé est un endroit. c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par il est partout? فهل الله عز وجل حال في المخلوقات؟ Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala maintenant il est dans les créatures? فالعلم الحديث أثبت ورد على الحلولية الذين يقولون بأن الله في المخلوقات لأن الناس في القديم كانوا يظنون أن ما حولهم فراغ فأثبت العلم الحديث بأن كل فراغ محيط بنا ممتلئ بذرات الهواء إذن ما من مكان يحيط بنا إلا وفيه مخلوق والهواء مخلوق. Donc, c'est maintenant la science moderne réplique et refute les croyances d'Yal Hululi, ceux qui croient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est dans ses créatures. Parce qu'avant, les gens croyaient que tout ce qui les entourait, c'était un vide. Et la science moderne a prouvé que tout ce qui est autour, nous entoure, est plein d'atomes de l'air. C'est une créature, l'air. Et donc, ça veut dire que tout endroit qui nous entoure, il y a une créature dedans. Parmi les créatures, il y a l'air. Hein? فعندما يقال الله في كل مكان ما مؤدى هذا القول مؤداه أن ربك الذي تعبده مختلط بهذه المخلوقات فهو وهي ذات واحدة وهذا معتقد فرقة ضالة اسمها الحلولية موجودة إلى اليوم. Donc quand tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est partout, vers quoi ça amène cette phrase? Hein? Il amène que ton souverain que tu adores, il est mélangé et il est dans toutes les créatures qui existent. Et que les créatures et Allah c'est une seule chose. Et ça ce sont les croyances d'Al-Hululia qui est un groupe qui a existé et qui existe encore. Et qui existe encore de nos jours, dans certains extrémistes d'Al-Sofia, ils y croient encore qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans le shirk. Et shirk c'est Allah, et l'être humain c'est Allah, et ainsi de suite. Entre la créature et le créateur, il n'y a pas de différence, c'est la même chose. لكن كثيرا من المسلمين لا يفهمون هذا من قولهم الله في كل مكان. ولكن يجب التنبيه على هذا لأنه خطأ شاسع. وبين ذلك أهل العلم كما بينوا أنه خطأ من قال عرفنا الله بالعقل بينوا كذلك خطأ من يعطي لا إله إلا الله معنى لا خالق إلا الله بينوا كذلك خطأ من يقول أن الله في كل مكان فهذا خطأ شنيع وبين الله عز وجل beaucoup de musulmans ne comprennent pas ce qu'ils disent. Ce que ça veut dire, Allah est partout. C'est pour ça que les hommes de science attirent l'attention sur ce point essentiel. Comme les hommes de science ont montré l'erreur de ceux qui ont dit nous avons connu la raison, là Allah par la raison. Et comme ils ont montré l'erreur de ceux qui ont dit que la signification de la ilaha illallah ne donne la subsistance qu'Allah et ne crée qu'Allah. La même chose, ils montrent l'erreur de ceux qui disent qu'Allah est partout. وأهل العلم لا يكفرون من يقول من العوام من يقول الله في كل مكان لأنهم لا يفهمون ما يقولون. Et les hommes de science ne rendent pas mécréants le commun des musulmans qui ne sait pas ce qu'il dit, qui est ignorant quand il dit Allah في كل مكان. Par exemple, certains vieux, tu lui dis, il dit Allah est partout, mais tu lui dis il est partout, qu'est-ce que ça veut dire? Tu lui dis tu es en train de dire qu'Allah il est aux toilettes, qu'Allah il est hein, en toi, qu'Allah c'est toi là. Il dit A'udhu billah, c'est pas ça. Non, il n'attribue pas ça à Allah. Lui, tout simplement, il a entendu, il répète. Donc, c'est pour pas, il ne faut pas s'empresser, toi, de claquer le pauvre vieux, miskin. Il faut le laisser tranquille. Il faut lui montrer juste. Lui expliquer comme s'il doit. Mais, il faut le faire comme il se doit aussi. Ouais, s'il te connaissait encore hier en train de tirer sur le pétard et en train de vendre dans les escaliers de la ZUP, il est évident qu'il ne va pas accepter de toi. Et après, le lendemain, tu viens lui faire le prophète de la ZUP, c'est pas la peine. Il ne va pas accepter. Hein? Il ne va pas accepter. En plus, il faut savoir utiliser le langage adéquat. Quand on s'adresse à une personne âgée, ce n'est pas la même chose que quand tu t'adresses à ton copain. avec lequel tu as l'habitude de veiller dans les caves des bâtiments, etc. Avec lequel hein, tu faisais des conneries. Après Allah subhanahu wa ta'ala t'a comblé de ce bienfait qui est la guidée. Ce n'est pas le même langage à l'islam. Hein? Il y a un respect que nous devons avoir vis-à-vis. Et beaucoup de problèmes qu'on rencontre maintenant dans la communauté, c'est que le fait de ne pas respecter et de ne pas savoir se mettre à la place de cette personne âgée qui est en face de toi. Et je te donne un exemple. Dis-toi bien que si ton père est tombé dans l'erreur et quelqu'un est allé mal parler à ton père, comment ça va être ta réaction? Parce que tu ne veux pas qu'on fasse à ton père. Ne le fais pas aux autres, aux parents des autres. Hein? Donc, أَمَّا الْحُلُولِيَ الَّذِينَ يَفَهَمُونَ قَوْلَهُمْ بِأَنَّ اللَّهَ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَيَعْنُونَ مَا يَقُولُونَ وَصَلُوا إِلَى هَذِهِ النَّتِيجَ وَاسْمَعْ قَوْلَهُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ بِئْسَ مَا قَالَ مَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَهَنَا وَمَا اللَّهُ إِلَّا رَاهِبٌ فِي كَنِيسَةٍ فَأَصْحَابُ هَذِهِ الْمُعْتَقَدْ عَرَفُوا مَعْنَى اللَّهَ فِي كُلِّ مَكَانٍ الرَّاهِبُ رَبُّهُمْ حَالٌ فِي الرَّاهِبِ وَالْخِنْزِيرُ كَذَلِكَ يقولون أنه ربهم لأنهم يقولون أنه حال فيه كذلك الكلب تعالى الله عن قولهم قولا كبيرا لذا سموا بالحلولية قال قائدهم وكبيرهم في هذا الضلال وهو الحلاج عندما وجه وقيمت عليه الحجة قبل أن يقتل قال عندما جر جبته ما في الجبة إلا الله أي هو والله شيء واحد تعالى الله عما يقول الظالمون الكافرون يعني ما في ثيابه إلا الله لأنه يفهم من قوله الله في كل مكان أن الله مختلط بالمخلوقات وحال بها كنت حلولي sur les adeptes de cette secte ils comprennent ce que ça veut dire Allah est partout ils sont arrivés à ce résultat ils écoutent les égarements qu'ils disaient un parmi eux et malheur à ce qu'il a dit hein? Il dit certes le chien et le porc ce sont notre divinité parce qu'il croit qu'Allah est sa créateur, c'est la même chose. Il dit dans l'autre, dans un autre poème, il dit, certes Allah ce n'est que le curé dans son église. Et les gens de ces croyances savent ce que ça veut dire où il est Allah. Et ils ont cette croyance, c'est comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala est dans ses créatures. C'est pour ça que pour lui Allah, il est dans le porc. Allah est dans le chien, Allah est dans le curé de l'église, etc. Donc cela, les hommes de science ont décrété leur mécréance. Et c'est pour ça que leur imam de cet égarement, quand la preuve a été accomplie contre lui, et au moment où il l'a amené pour la guillotine, il a tiré son vêtement, il a dit, « Il n'y a dans la djellaba qu'Allah ». Il sait ce qu'il dit. On va pour le guillotiner. Et il dit, il n'y a dans le djellaba qu'Allah. Ça veut dire qu'Allah est en lui, que lui et Allah, c'est la même chose. A'oudhu billah. Amma le sunna wal jama'a fa innahum yufsiluna bayna al khaliq wal makhluq fa yumayizuna bayna dhati Allah wa dhati al makhluqat idha yaquluna Allahu laysa bi mukhtalitin bi makhluqatih Allahu ba'inun an khalqih wa munfasilun min makhluqatih. Fa qawlu ahli sunnati wal jama'ati أن الله فوق كل شيء ومحيط به سبحانه وتعالى فهذه الفوقية لا يجب أن نتدخل فيها في كيفيتها فإننا نتكلم عن شيء لا نقدر أن نفهم كيفيته ولا أن نتصور كيفيته donc quand les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna ils détaillent dans la situation ils font la différence entre Allah et ses créatures. Ils font la différence entre l'être d'Allah et l'être de ses créatures. Il n'y a aucune comparaison à avoir entre eux, hein, les attributs, l'être d'Allah Azzawajal, et ses créatures, et les attributs d'Allah et les attributs de ses créatures. Et ils ne reconnaissent pas, ils rejettent l'idée comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala est dans ses créatures, ou il est mélangé avec ses créatures, et que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout. Et le fait d'être au-dessus de tout, il ne faut pas aussi s'immiscer dans le comment de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas le capter. Il est au-dessus de tout, comme il sied à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'être au-dessus, ce n'est pas comme nous le concevons. Hein? C'est autre chose.